السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على عموم نعمه يزدكم قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فاليوم نذكر نعم الله ونحمده على ما من علينا من نعمه الكثيرة المتكاثرة امتثالا لأمره وأما بنعمة ربك فحدث ألا ومن عظيم نعمة من عظيم نعمه سبحانه وتعالى تيسير الصيام رمضان وقيام ليالي رمضان والعبادة الأخرى هذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فنسأله تعالى أن يتم علينا النعمة أن يتم علينا النعمة بالقبول وأن يعفو عنا التقصير إنه عفو شكور هذا اليوم يا عباد الله يوم عيد يفرح فيه المسلمون يفرح فيه المسلم لأمرين اثنين لإتمام العبادات كالصيام والقيام ولأن الله سبحانه وتعالى أباح له ما كان ممنوعاً في نهار رمضان من الملذات فاحمدوا الله وأكثروا من شكره جل وعلا عباد الله ليس السعيد من أدرك العيد ولبس الجديد وإنما السعيد من خاف الوعيد من خاف يوم الوعيد وسلك طريق المستقيم لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فزينوا بواطنكم بالإخلاص كما زينتم ظواهركم بالثياب الجميلة. قال الله: ولباس التقوى ذلك خير. من السعيد اليوم حقا هو الذي استفاد من رمضان واستمر على الخير بعض شهر رمضان بفعل الطاعات ثم المستحبات رجاء لرفع الدرجات ومغفرة السيئات. فالسعادة تكون بالتقرب إلى الله تعالى بما شرع. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا سعادة إلا بتوحيد الله وبالإيمان به وبالعمل الصالح وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، تذكر نعمة الله عليك بهذا الدين الحنيف، دين الإسلام، دين العدل والإحسان، دين ما ترك خير إلا أمر به ولا شر إلا حرمه، دين الكمال والعزة. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دين من تمسك به نجا، فهو عصمة من الضلالة والشقاوة، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هذا الدين مبني على خمسة أركان لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فلا إله إلا الله أعظم العلم وأكبر كلمة قالها نبي، لا يعلم بركتها إلا الله. من قالها عالما بها عاملا بمقتضاها دخل الجنة. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. فلا بد أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، والله خلقنا لأجل ذلك، وأنزل الكتب لأجل ذلك، وأرسل الرسل لأجل ذلك، لنعبده وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أعظم العبادات الصلاة، فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال الله: واركعوا مع الراكعين. فلا بد من أدائها مع الجماعة في بيت من بيوت الله. الصلاة لذة العارفين وجنة الموحدين، صلة وثيقة بين العبد وربه، باب عظيم إلى جنة رب العالمين. ومن آكد العبادات يا عباد الله بر الوالدين. لذا قرن الله بين حقه وحق الوالدين، كما قرن بين شكره وشكر الوالدين. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين كما ثبت في الصحيح. هذا أمر معلوم لدى الجميع، إلا أن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن تجد بعض الأبناء عاقين لآبائهم ولأمهاتهم والعياذ بالله. أما علمت يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد الكبائر بدأ بالإشراك بالله، ثم ثنى بعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر والعياذ بالله. فالعبادة والتوحيد والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الجنة، طريق الجنة، ولا بد فيه من الصبر والاحتساب ومجاهدة النفس والشيطان. فالغاية من الدنيا رضا الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر. فداوم يا عبد الله على طاعة الله، وسله الثبات، فإن الفتن قد كثرت. فيا ليت شعري من الناجي قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعلم يا عبد الله أن الله لا يتقبل منك العمل إلا بشرطين اثنين لا بد منهما: الإخلاص والمتابعة لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. تعمل العمل لله مخلصا له، حبا له، رجاء لثوابه، خوفا من عقابه. ولو حققنا هذه المعاني في أنفسنا لصلحت أمورنا، ولاجتمعت كلمتنا كلمة المسلمين، ولقويت شوكتهم وأخوتهم. هذا الجمع المبارك الذي نرى والذي أراده الله منا أن نجتمع على دينه وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحب بعضنا بعضا وينصح بعضنا لبعض. قال الله: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا ويا عباد الله، نحن في يوم عيد، في يوم سعيد، ولا ننسى بعضا من إخواننا كثرت فيهم الفتن والشدائد، كإخواننا في سوريا، وكإخواننا في بورما، وكإخواننا في فلسطين، وغيرها من بلاد الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أرحم الراحمين أن يفرج عنهم وأن يحفظهم، وهو أرحم الراحمين، وهو الحفيظ، وهو العزيز سبحانه وتعالى. عباد الله، تذكروا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فكونوا قدوة في الخير، ناصحين لأهليكم، حارسين على تربية أولادكم وإرشادهم من أول يوم. وأوجه نصيحة خاصة لنساء المسلمين، وكانت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجه إليهن حديثا عظيما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة، ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فنسأل الله يحفظ نساء المسلمين وأن يهدي فتيات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شيخ فخير، خني الله سبحانه وتعالى et montrez vos reconnaissants devant les nombreux bienfaits par lesquels il nous a comblés. Ainsi, il vous ajoutera de ses bienfaits. Il nous dit dans son livre: et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai, c'est-à-dire mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Mon châtiment sera terrible. Donc aujourd'hui, nous allons nous rappeler certains des bienfaits par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, notre Créateur, la seule divinité méritant l'adoration, nous a accordé. Et cela afin de mettre en pratique la parole d'Allah. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. Et parmi les plus grands bienfaits par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, le fait de nous avoir permis de jeûner le mois de Ramadan, le fait de nous avoir permis de l'adorer durant ce mois béni, le fait de nous avoir permis de prier certaines nuits de ce mois béni, voici un grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé une partie de ses serviteurs, le fait de pouvoir faire des efforts durant le mois de Ramadan dans l'adoration de notre Seigneur. Et tous les bienfaits nous proviennent de lui, subhanahu wa ta'ala. Et on demande à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de compléter sur nous son bienfait en acceptant notre jeûne, en acceptant nos prières, en acceptant nos aumônes et en nous permettant d'observer la droiture après le mois de Ramadan. Tout comme nous lui demandons de pardonner nos manquements, nos péchés et nos défauts. Ce jour, c'est un jour de fête, Eid al-Fitr, un jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, un jour de fête durant lequel on se rappelle les bienfaits d'Allah, un jour de fête durant lequel on proclame la grandeur d'Allah, un jour de fête durant lequel on se rapproche de notre Seigneur. Ça n'est pas un jour où il y a de la dépravation dans l'islam, ni un jour où on voue le culte à un autre qu'Allah, ni un jour où on boit de l'alcool et on désobéit à Allah. Non, le Eid dans l'islam, c'est un jour pour proclamer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, le louer davantage et se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Les musulmans se réjouissent donc en ce jour de fête pour ce grand bienfait, le fait d'avoir pu jeûner et d'adorer Allah azza wa jal durant le mois de Ramadan. Également, on se réjouit en ce jour de fête car les choses qui auparavant étaient interdites, comme le fait de manger et boire, nous redeviennent à nouveau permises durant la journée. Falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Chers frères, le bienheureux en ce jour de fête n'est pas celui qui a porté de nouveaux vêtements. Le bienheureux en ce jour de fête n'est pas celui qui aura amassé les plus grandes richesses. Le bienheureux en ce jour de fête est celui qui aura réussi le jeûne du mois de Ramadan et qui sera accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui aura emprunté le chemin de la droiture, le chemin de la meilleure créature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde plutôt le contenu de vos cœurs et vos actions. Le contenu de vos cœurs et vos actions. Donc embellissez vos cœurs par la sincérité, tout comme vous avez embelli votre extérieur en portant de beaux vêtements. Allah nous dit dans son livre: le vêtement de la piété, voici ce qu'il y a de meilleur. Qui est le bienheureux aujourd'hui? Qui est réellement le bienheureux aujourd'hui, chers frères? C'est celui qui a tiré profit du mois de Ramadan, puis qui observe la droiture et a la ferme intention d'emprunter le chemin de la droiture après le mois de Ramadan. Celui qui fait cela par amour pour Allah, celui qui fait cela en espérant la récompense auprès d'Allah, celui qui délaisse les péchés par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bienheureux est donc celui qui se sera soumis aux ordres de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre: celui qui fait de bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, une vie heureuse, une vie paisible. Voici celui qui sera heureux. Cher frère, rappelle-toi le bienfait d'Allah lorsqu'il t'a guidé à cette religion, lorsqu'il t'a légiféré cette religion, la religion du monothéisme, la religion de tous les prophètes, la religion de la droiture, la religion qui est basée sur le culte sincère d'une divinité unique, la religion de la justice, la religion de la bienfaisance, une religion qui n'a pas laissé un bien sans l'ordonner, et qui n'a pas laissé un mal sans l'interdit. Allah nous dit dans son livre, dit par le bienfait d'Allah, par la grâce d'Allah et son bienfait, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est-à-dire, l'islam et le Coran, c'est le plus grand bienfait. On doit donc être reconnaissant vers Allah pour cela et nous réjouir de ces grands bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jal nous a comblés. Celui qui suit cette religion, celui qui s'accroche fermement à cette religion, sera bien guidé et sera loin de toute la tristesse et de la perte dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je vous ai laissé deux choses. Celui qui s'y accroche ne s'égarera pas après moi. Le livre d'Allah ainsi que ma tradition. Le livre d'Allah ainsi que ma tradition. Voici le droit chemin. Voici le droit chemin, le fait de suivre le Coran, la parole d'Allah. Et de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a été transmise parfaitement par les meilleurs des hommes et par les meilleurs des femmes, après les prophètes et les messagers, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman ne sort pas d'une adoration si ce n'est pour se diriger vers une autre adoration. Le musulman ne sort pas d'une adoration si ce n'est pour se diriger vers une autre adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans le Coran la sagesse pour laquelle il nous a tous créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, le musulman, jour après jour, cherche à se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion est basée sur 5 piliers. Le premier pilier est le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, et d'affirmer que le seul à mériter entièrement l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et messager d'Allah. Nous devons le suivre, nous devons certifier l'ensemble de ses propos. Nous devons lui obéir, s'éloigner de sa désobéissance et veiller à n'adorer que Allah. Et cela à la manière dont nous l'a enseigné sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les plus grandes adorations, les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, le deuxième pilier de l'islam, la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint 5 prières, de jour comme de nuit. Celui qui l'accomplit, la préserve à des heures déterminées, comme Allah l'a voulu de lui, il fera partie, insha'Allahu ta'ala, des habitants du paradis. La prière est la prunelle des yeux du musulman et un lien solide entre le serviteur et son Seigneur. C'est une porte parmi les portes qui mènent au paradis. Et parmi les plus grandes adorations qui plaît à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, la bienfaisance envers les parents. La bienfaisance envers les parents. Cet ordre est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité à côté de son droit. Le droit d'Allah est de l'adorer seul sans rien lui associer. À côté de ce droit, Allah subhanahu wa ta'ala a mis le droit des parents pour nous interpeller, nous montrer l'importance de ce droit. Car les parents sont la cause de ta venue au monde. Tes parents ont une grande place sur toi. Tout le monde sait cela. Si ce n'est que nous vivons à une époque où beaucoup parmi les enfants se sont égarés du droit chemin. Beaucoup parmi les enfants ont désobéi à leurs parents. Combien sont ceux qui ont fait couler les larmes de leurs parents? Combien sont ceux qui élèvent leur voix sur leurs parents? Combien sont ceux qui se sont détournés de la voie sur laquelle nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah nous dit dans le Coran: et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, ainsi que la bienfaisance envers les parents. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au messager d'Allah, quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Il a répondu: la prière en son temps. On lui a donc dit ensuite au messager d'Allah, il a répondu: la bienfaisance envers les parents. La bienfaisance envers les parents. Voici un ordre devant lequel nous ne devons pas être distraits, nous, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc parmi les pires péchés, ash-shirku billah, le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui nous a créés. Parmi les pires péchés, le fait de désobéir aux parents, wal-iyadu billah. Celui qui veut entrer au paradis, il lui faut observer le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ce chemin est un chemin long. un chemin éprouvant. Il nous faut donc nous doter d'une grande patience et d'endurance. Le musulman dans ce bas monde doit être à la recherche de l'agrément d'Allah. Tout ce que tu fais, cher frère, doit être pour rechercher l'agrément d'Allah. Tout ce que tu dis, cher frère, doit être à la recherche de l'agrément d'Allah. Tout ce que tu délaisses doit être à la recherche de l'agrément d'Allah. Ce chemin est un chemin long et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran que l'adoration ne s'arrête pas avec la fin du mois de Ramadan, comme certaines personnes peuvent le penser. L'adoration d'Allah azza wa jal ne s'arrête pas tant que tu as encore ton âme. Allah nous dit dans le Coran et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. L'explication de la certitude dans ce verset, c'est-à-dire la mort. Sache, cher frère, qu'Allah n'accepte comme acte d'adoration que ce qui est sincèrement effectué pour lui, et cela en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais des efforts dans l'adoration d'Allah, par amour pour ton Seigneur, en espérant sa récompense et par crainte de son châtiment. Et si on avait tous mis en pratique ces nobles caractères qu'on trouve dans l'islam, on se serait unis comme nous sommes unis aujourd'hui autour de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et on aurait concrétisé ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous comme fraternité, comme amour et comme entraide. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. On doit s'aimer les uns les autres, se secourir les uns les autres, se conseiller les uns les autres, vouloir le bien les uns pour les autres. Tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même et tu n'atteindras pas la perfection de la foi tant que tu n'auras pas cette qualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, l'exemple du croyant pour l'autre croyant est à l'exemple de l'ensemble des briques qui forment pour construire un édifice. En ce jour de fête, nous devons nous réjouir et profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous rappeler ses bienfaits et le louer avec abondance. Mais cela ne nous empêche pas de penser à des frères que nous avons dans plusieurs pays au monde qui sont dans de grandes difficultés, qui vivent de grandes difficultés, que ce soit des guerres, que ce soit de la famine et de nombreuses épreuves. « Wa la hawla wa la quwwata illa billah » à l'image de nos frères en Syrie, à l'image de nos frères en Birmanie, à l'image de nos frères en Palestine et à l'image de beaucoup de personnes sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vivent de nombreuses épreuves. Et on n'oublie pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux en ce jour de fête. On demande à Allah azza wa jal de repousser d'eux tout le mal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les préserver de tous les maux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de soigner leurs malades, de soigner leurs malades, de préserver leurs enfants, de préserver leur vie. C'est lui le protecteur, le tout-puissant subhanahu wa ta'ala. Chers frères, rappelez-vous la parole d'Allah. Rappelez-vous la parole d'Allah dans laquelle il nous dit, ô vous qui avez cru, préservez-vous vous ainsi que vos familles d'un feu. Préservez-vous vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Le musulman doit être un exemple pour les autres. Il doit prendre soin de sa famille, être un bon conseiller pour son épouse, être un bon éducateur pour ses enfants. Il ne doit pas délaisser l'éducation de ses enfants. Il doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux jour et nuit. Depuis la venue au monde de tes enfants, tu dois prendre soin de leur éducation et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala même avant leur venue au monde. En ce jour de fête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'adresser des recommandations aux femmes. En ce jour de fête, après la khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se diriger vers les femmes et de leur adresser quelques conseils, car elles forment la moitié de la communauté et éduquent l'autre moitié de la communauté. Elles ont donc une grande place dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce qu'essayent de prétendre ceux qui veulent ternir l'image de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam. On recommande aux femmes la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. de s'acquitter de leur devoir envers leur Seigneur, de l'adorer d'un culte sincère sans jamais rien lui associer. On leur recommande de préserver leur prière à des heures fixées qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déterminées. On leur recommande la piété envers leurs parents. On leur recommande l'excellence dans l'éducation de leurs enfants. Et madha, l'obéissance envers leurs époux. On leur recommande la piété et l'endurance dans le chemin qui mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme musulmane est une femme noble. La femme musulmane est une femme noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a anoblie par la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Elle doit donc être à la hauteur de cette noblesse en se préservant et en s'éloignant de tout ce qui pourrait porter atteinte à sa pureté et à sa noblesse. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande de préserver nos sœurs, de préserver nos mères, de préserver nos femmes, nos filles et toutes les femmes. Chers frères, sachez que parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le mois de Ramadan, il jeûnait 6 jours dans le mois de Shawwal. Il jeûnait 6 jours dans le mois de Shawwal. Et encourager les compagnons à faire de même en disant: celui qui jeûne le mois de Ramadan, lui fait suivre cela de 6 jours dans le mois de Shawwal, il aura la récompense d'avoir jeûné une année entière. Il aura la récompense d'avoir jeûné un jeûne continu. Donc on se recommande mutuellement cela. Et pour conclure, chers frères, ce grand nombre réuni en ce jour de fête nous rappelle un jour qui sera terrible. Combien sont nos frères qui ne sont pas présents avec nous en ce jour de fête, car ils ont rejoint leur deuxième demeure, ils sont rentrés dans leur tombe. Ils sont rentrés dans leur tombe. Combien sont ceux qui ont prié l'année dernière avec nous l'Eid et cette année ne seront pas présents avec nous? Combien sont les enfants qui avaient l'habitude de venir avec leurs parents et cette année ils ne sont pas venus avec leurs parents car ils ont été enterrés sous terre? Combien sont les épouses qui avaient l'habitude de venir avec leur mari, mais cette année, ils ne sont pas venus avec leur mari, car ils ont été enterrés. Et cette demeure, chers frères, est la demeure que nous allons tous rejoindre, tôt ou tard. لأن الله سبحانه وتعالى كتب الفناء على جميع الأمور كل نفس ذائقة الموت. Allah a écrit la mort à chaque être. Et il nous dit dans son livre: toute âme goûtera à la mort. Ce grand nombre donc, chers frères, nous rappelle un jour qui sera terrible. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Le jour où les hommes, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. Ce jour-là, chers frères, tu vas te tenir devant ton Seigneur, nu, pieds nus, non circoncis, et tu vas être interrogé sur tout ce que tu as fait dans ce bas monde. Alors prépare des réponses, car tu seras questionné. Et prépare les bonnes réponses. Tu seras seul et personne ne pourra t'aider ce jour-là. Chacun se sauvera de son frère, de son père, de sa mère. Et ce jour-là, personne ne pourra t'aider. Et il n'y aura avec toi que tes bonnes actions. فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلني إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف آبائنا. اللهم اشف أمهاتنا. اللهم اشف أزواجنا. اللهم اشف أبنائنا. اللهم اشف بناتنا. إنك أنت الشفي أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجاتنا في المهديين. اللهم ارفع درجاتنا في الجنة. اللهم ارفع درجاتنا في العليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم احفظنا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. خلاص جزاك الله خيرا، الله يكفيك. تقبل منا ومنكم وكل عام وانتم بخير. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، الله يكفيكم. اللهم انا ومنكم صلى على الاعمال وانا وجعلكم مع الخلاوات امة المسلمين. اللهم انا ومنكم، بارك الله فيكم، الله يحفظكم، بارك الله فيكم.